بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. On commence donc le dernier cours, dernière partie pour terminer le livre, inshallah. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Donc on continue dans l'explication de notre livre écrit par le Cheikh Abdus Salam ibn Burjis rahimahullah al-Mu'taqad al-Sahih, et on est maintenant arrivé dans la 11e partie de l'explication du livre qui sera inshallah la dernière partie du livre, et on commence donc le chapitre 10, le 10e chapitre. Et le titre de ce chapitre, c'est Al-Mu'taqad al-Sahih Fima yajibu li wulati al-amri min al-muslimin. C'est-à-dire, la bonne aqida au sujet de l'obéissance ou l'obligation d'obéir aux dirigeants parmi les musulmans. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est obligatoire vis-à-vis des dirigeants de la part des musulmans. Et à ce sujet-là, en particulier, le Cheikh Abdus Salam ibn Burjis, il a écrit des livres plus élaborés, et en particulier deux d'entre les livres qu'il a écrits. Le premier, Mu'amalatul Hukam fi Daw al-Kitab wa Sunnah, c'est-à-dire le comportement à adopter envers les dirigeants selon le Coran et la Sunnah. Et un deuxième livre qu'il a écrit aussi qui s'intitule الأمر بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم والتحذير من مفارقتهم. C'est-à-dire l'ordre de rester avec la jama'a des musulmans ainsi que leurs dirigeants, et la mise en garde contre le fait de se séparer d'eux. Donc ça, c'est deux des livres de Cheikh Abdus Salam ibn Burjis dans lesquels il a mentionné beaucoup plus de preuves et d'exemples et de clarifications et de détails sur ce sujet-là. Donc je vous les mentionne, et les deux livres en question se retrouvent sur le site Salafi de Montréal. On a fait la lecture et la traduction de ces deux livres au complet. Donc vous êtes libre de retourner à ces livres-là pour écouter ces cours-là si vous voulez avoir plus de compréhension et de réponses. Et c'est important pour nous de comprendre ce principe-là parmi les principes des salafs à notre époque en particulier, parce que il y a beaucoup d'ambiguïté et d'incompréhension de la part de certains musulmans à ce sujet-là, en particulier de la part des gens de bid'ah parmi les khawarij et ceux qui les suivent, comme les frères musulmans, al-ikhwan al-muslimoun, al-sururiya et d'autres groupes de ces tendances-là. Et les Mu'tazila aussi font partie de ceux qui appellent à se révolter contre les dirigeants, ainsi que les Rafida. Ils ont cette caractéristique-là. Même que parmi les Salafs, certains ont mentionné que tous les gens de Bid'a sont des Khawarij parce qu'ils se sont tous mis d'accord sur l'épée, c'est-à-dire de se rebeller contre les dirigeants. Et les Mu'tazila, eux, ils essaient parfois de justifier la rébellion contre les dirigeants en mentionnant les hadiths qui ordonnent aux musulmans d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Et ils considèrent ou ils pensent que d'ordonner le bien et d'interdire le mal, ça comprend de se rebeller contre les dirigeants lorsqu'ils font de l'injustice ou lorsqu'ils commettent des péchés. Et ça, bien entendu, c'est en contradiction avec les preuves du Coran et de la Sunna et des paroles des salafs à ce sujet-là, puisque le principe, comme on va le voir, hein, c'est le contraire justement vis-à-vis des dirigeants injustes. Le Cheikh Abdus Salam ibn Burjis, il dit: وَيَعْتَقِدُ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَوْجَبَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ طَاعَةَ وُلَاةَ أَمْرِهِمْ fi ghayri ma'siyatillah. Donc le cheikh, il explique que parmi les éléments de la croyance des gens de la sunna et de la jama'a, c'est que ils doivent obligatoirement obéir Hein? Les musulmans, les croyants doivent obéir aux dirigeants, aux gouverneurs, ceux qui sont responsables de leurs affaires, mais dans tout sauf dans ce qui est un péché. Dans tout sauf ce qui est un péché. C'est-à-dire que le dirigeant, tu vas continuer à lui obéir dans tout ce qu'il t'ordonne de faire qui fait partie de ce qui est bien en général, excepté s'il t'ordonne de faire un péché ou de commettre un péché. Alors, dans ce péché en particulier, tu vas t'abstenir de lui obéir, mais tu vas continuer à lui obéir dans le reste de ce qu'il t'ordonne, de qu'est-ce qui est bien. Donc, c'est ça la position des salafs. Et ils disent que si le dirigeant est injuste, ou qu'il est un tyran, et qu'il fait du dhulm, ou de l'injustice aux musulmans, eh bien, ils doivent être patients. Faire preuve d'endurance et de patience face à cette injustice-là et s'abstenir de se rebeller, de se révolter contre lui. Et le cheikh, il mentionne à ce sujet-là des preuves. Il dit وَيَعْتَقِدُونْ مَعْنَ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيثِ عُبَادَةِ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اسْمَعْ وَأَطِعْ فِي عُسْرِكَ وَيُسْرِكَ وَمَنْشَطِكَ وَمَكْرَهِكَ وأثرة عليك وإن أكلوا مالك وضربوا ظهرك إلا أن يكون معصية أخرجه ابن حبان في صحيحه بإسناد حسن وأصله في الصحيحين. Donc il cite ici la signification, hein, il dit que les gens de la sunna croient en la signification de ce qui est mentionné dans le hadith rapporté selon Ubadah ibn Samit radiallahu anhu, hein, dans lequel il mentionne les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit écoute et obéis à ton dirigeant fi usrika wa yusrik, c'est-à-dire dans ce qui est difficile, dans ta difficulté ou dans les périodes d'aisance ou quand tu es en aisance, c'est-à-dire que ce soit dur ou facile pour toi fi manshatik wa makrahik. Al manshat, ça veut dire, hein, quand t'es motivé, quand t'es actif. Donc, qu'est-ce qui te motive ou qu'est-ce qui te déplaît? Hein, tu dois écouter, obéir dans qu'est-ce que tu aimes, dans qu'est-ce qui te déplaît. Wa atharatin alayk. Et les ulama ont expliqué que al-athara, ça veut dire quand le dirigeant, il se donne à lui-même des privilèges. Et qu'il se permet des choses, et qu'il s'accapare des richesses et des biens, ou des positions, ou des choses de la dunya. Et il prive, hein, les musulmans de leurs droits. C'est ça, al-athara. Donc, il dit, même s'il y a ce genre de comportement injuste de la part des dirigeants, hein, tu dois continuer à écouter et obéir. Il dit, même s'il consomme tes biens, il mange tes biens, où il frappe ton dos, hein, tu dois continuer à leur obéir. Il dit, excepté si il t'ordonne un péché. Donc, s'il t'ordonne un péché, dans ce cas-là, dans ce péché en particulier, tu vas t'abstenir d'obéir. Par contre, tu vas continuer à obéir dans le reste. Et le cheikh, il explique ensuite l'interdiction des gens de la sunna de se rebeller contre les dirigeants. Il dit, ويعتقدون تحريم الخروج على ولاة الأمور أو على ولاة الأمر وإن جاروا وظلموا ما لم يروا كفرا بواحا عندهم فيه من الله برهان لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم قيل يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف قال لا ما أقام فيكم الصلاة وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة وفي لفظ ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. أخرجه مسلم عن عوف بن مالك رضي الله عنه. Donc le cheikh il dit que les gens de la sunna, ils croient qu'il est interdit de se rebeller et de se révolter contre les dirigeants musulmans, même s'ils commettent de l'injustice, même s'ils sont tyranniques, tant qu'ils n'ont pas commis un kufr, ou tant que les musulmans n'ont pas vu de lui un kufr qui est clair et apparent, au sujet duquel il y a pour eux une preuve venant d'Allah, une preuve convaincante claire venant d'Allah dans la révélation à son sujet. Et la preuve de ça, c'est dans le hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné. Hein? Lorsqu'il dit, c'est-à-dire le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, les meilleurs de vos dirigeants sont ceux que vous aimez et qui vous aiment. Et ceux que vous priez pour eux, ils prient pour vous. Et les pires de vos dirigeants sont ceux que vous détestez et qui vous détestent. Et que vous maudissez et qui vous maudissent. Alors les sahaba ont dit, Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors ils ont dit, ô messager d'Allah, ne devons-nous pas les repousser avec les épées, hein, dans ce cas-là? C'est-à-dire si on trouve ce genre de dirigeants-là, qui nous maudissent, et qu'on maudit et qui nous maudissent, et qu'on déteste et qui nous déteste. Est-ce qu'on ne devrait pas les combattre avec l'épée? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit non. Tant qu'ils établissent parmi vous la salat, tant qu'ils fassent établir la prière parmi vous. Et il dit, et si vous voyez de la part de vos dirigeants quelque chose, hein, une chose quelconque que vous détestez ou que vous n'aimez pas, hein, alors détestez son action, mais ne retirez pas votre main de l'obéissance. Parce que ta main, avec ta main, tu lui as donné allégeance à ce dirigeant-là. Hein? Tu as donné la bay'a à ce dirigeant. Donc, si tu le vois faire un péché ou une action que tu n'aimes pas, tu ne dois pas retirer ta main de son obéissance alors que tu lui as donné ton allégeance. Même s'il fait un péché, cette allégeance, elle est toujours valable. Tant qu'il n'a pas fait un kufr clair, apparent, sur lequel il n'y a aucune ambiguïté, qui est clair comme le soleil. Hein? Et ça revient aux règles du takfir dont on a parlé dans les cours précédents et qu'on a expliqué que pour établir le kufr d'une personne, il y a des conditions et des règles et des empêchements à vérifier et que ça c'est pas n'importe qui peut se permettre de le faire, hein? Et que ça revient aux ulama parce qu'il y en a qui justifient ça, justement ils utilisent ce hadith qui mentionne, hein, excepté pour un kufr clair au sujet duquel il y a une preuve venant d'Allah, ils prennent ça comme preuve, mais ils comprennent pas quand est-ce que ça s'applique et est-ce que ça s'applique réellement, hein, de quelle manière. Et les ulama, ils disent, même si le dirigeant était kafir, supposons que le dirigeant était un kafir et que son kufr était clair, par exemple que le dirigeant est un quelqu'un qui est juif ou chrétien ou athée, hein, et qu'il le dit ouvertement. Sauf que tu ne peux pas le retirer de sa position sans faire couler le sang de la population et de faire des massacres et de faire beaucoup de désordre dans le pays et de faire avoir une grande perte de vie humaine et également de biens, hein, et que la société va être complètement détruite à cause de lui. Donc, dans ce cas-là, les ulama, ils disent que c'est préférable de ne pas se révolter contre lui, parce que ça ramène pas le bien escompté. Au contraire, ça va ramener un mal qui est peut-être plus grand que le mal qu'on essaie d'éliminer. Et donc, dans ce cas-là, les ulama, ils disent, même si dans ce cas-là il est kafir, puisqu'on n'a pas la possibilité ou la capacité de le retirer du pouvoir sans créer plus de mal, alors dans ce cas-là il faut s'abstenir de d'essayer de le retirer du pouvoir et d'espérer que Allah subhanahu wa ta'ala nous libère de ce dirigeant-là, hein, par sa miséricorde. Mais de chercher à vouloir le retirer du pouvoir sans avoir la capacité nécessaire pour être capable de le faire sans avoir des conséquences plus mauvaises, eh bien, dans ce cas-là, ça devient interdit pour nous, dans ce cas-là, de le faire, même si le dirigeant en question est kafir. Et ça, c'est ce que les ulama ont mentionné à ce sujet-là. Toutefois, si on est capable de le retirer, et que ce dirigeant, il est kafir, et que c'est clair, et qu'il n'y a pas de doute, et que les musulmans sont capables de l'enlever du pouvoir et de le remplacer par un dirigeant musulman qui est bon, qui est meilleur que lui, et que ça ne va pas causer aucune fitna, aucun écoulement de sang, aucun trouble, aucun problème dans la qui est plus grave ou plus grand que sa présence, alors dans ce cas-là, oui, c'est correct. Mais les gens, parfois, ils regardent pas les règles. Parce que l'ordonnance du bien et l'interdiction du mal, c'est relié à des règles et des conditions aussi. Et ça, beaucoup de gens ne comprennent pas. Ils pensent que d'ordonner le bien et d'interdire le mal, c'est une règle absolue, sans aucune limite et sans aucune condition. Et les ulama, ils disent non. Ils disent, le mal qui existe, si tu l'enlèves, soit qu'il va être enlever complètement ce mal, ou soit il va être diminué, ou soit il va rester égal, ou soit il va devenir pire. Hein? Donc ils disent, si tu vas être capable de l'enlever complètement, ou de le diminuer, dans ce cas-là, c'est obligatoire pour toi de le changer. Mais si, en le changeant ce mal, tu vas voir que ça va être le même résultat ou que ça va être pire, alors dans ce cas-là, tu dois t'abstenir de le changer. Tu dois le laisser. Hein? Jusqu'à ce que tu aies la possibilité de l'enlever complètement ou de le diminuer. Hein? Ça, c'est important de tenir compte de ça. La charia, elle est régie par des principes et des règles. C'est pas juste prendre le hadith puis tu l'appliques sans tenir compte des principes et des règles de la charia. Sinon, tu vas faire n'importe quoi. Et l'exemple de celui qui a vu, par exemple, un magasin d'alcool. Hein? Il a vu un magasin d'alcool dans un pays musulman. Et lui, il était énervé par ça. Il dit, ça c'est haram, il faut interdire le mal, il faut changer le mal. Donc, il a pris du feu, il a mis le feu à l'immeuble. Sauf qu'en haut de magasin d'alcool, Il y a des femmes et des enfants et des familles qui habitent. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? Le magasin d'alcool a brûlé, mais tous les gens qui habitaient en haut sont tous morts dans le feu. Hein? Donc, toi, t'as voulu changer un mal, t'as fait un mal plus grand avec ça, t'as tué des innocents et t'as fait plus de désordre. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce que t'as fait? C'est haram. C'est interdit de changer le mal de cette manière. Hein? Puisque tu as ramené plus de mal que de bien. Mais beaucoup de gens qui sont ignorants de l'islam et de la charia, ils pensent de cette manière, que ça c'est correct. Hein? Et ça c'est dû à l'ignorance et au manque de sagesse et de compréhension des règles de la charia. Le cheikh, il mentionne également une autre version du hadith dans lequel il y a les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam suivantes. Il dit, si l'un d'entre vous a un dirigeant qui a été placé sur lui et qu'il voit son dirigeant faire un péché quelconque, alors qu'il déteste le péché que le dirigeant fait, mais qu'il ne retire jamais de l'obéissance, hein, qu'il a donné, qu'il retire jamais sa main de son obéissance parce que il lui a donné l'allégeance. D'accord? Donc, tu vois un dirigeant, par exemple, qui commet un péché. Hein? Tu détestes ce péché dans ton cœur. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith, « Man ra'a minkum munkaran, falyughayyirhu biyadihi. Fa'in lam yastati' fabilisanihi. Fa'in lam yastati' fabiqalbihi. Wa dhalika ad'afu l'iman. » Celui d'entre vous qui voit un mal, qu'il le change par sa main. Mais s'il n'est pas capable, qu'il le change par sa langue. Et s'il n'est pas capable, qu'il le change par son cœur. Et ça, c'est le plus faible niveau de la foi. Et les ulama, ils ont expliqué que le niveau du cœur, ça, tout le monde est capable de le faire. Parce que ça, c'est quelque chose qui est à l'intérieur de toi-même. Personne ne peut t'empêcher de changer le mal par ton cœur, c'est-à-dire de détester ce mal. Et ici, par rapport aux dirigeants, tu ne peux pas le changer avec la main. Et tu ne peux pas non plus nécessairement le changer avec la langue. Si tu es capable de changer avec la langue, tu vas aller voir ce dirigeant, tu vas lui donner la nasiha en personne, en privé, comme c'est selon la sunna. Alors dans ce cas-là, vas-y, fais-le. Mais si tu n'es pas capable de le faire, alors dans ce cas-là, il te reste que le niveau du cœur et tu dois détester donc ce péché que le dirigeant a fait. Donc, peu importe le dirigeant en question, s'il a commis un péché ou s'il a fait un péché, alors tu dois détester ce péché-là. C'est pas parce qu'il est le dirigeant, tu vas dire, ah c'est le dirigeant, donc je vais pas le détester. Non, je vais pas détester le péché qu'il a fait. Non, tu détestes le péché qu'il a fait, mais tu vas pas retirer ta main de son obéissance ou appeler à la rébellion contre lui à cause de ce péché-là. D'accord ? Et le fait de lui donner le bon conseil, ça c'est comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith, Akbarul jihad, kalimatu haqqin, inda sultanin ja'ir. Les ulama, ils ont dit le plus grand jihad, c'est de dire une parole de vérité devant un dirigeant injuste. Et certains ont pris ce hadith-là pour essayer de justifier le fait de critiquer les dirigeants ouvertement ou publiquement et de parler contre eux sur le minbar ou dans des assemblées. Et ça, c'est contraire à la compréhension et à la signification même du hadith. Puisque « inda » en arabe, ça veut dire « il y en a auprès de lui » ou « en sa présence ». Donc ça veut dire que si tu es chez lui ou devant lui ou en sa présence, que tu lui fais des conseils pour lui demander de changer ou de corriger le mal qu'il fait, ça fait partie du djihad. C'est le plus grand djihad. Mais pas quand tu es dans un autre pays ou dans un autre endroit ou dans une assemblée devant tout le monde et tu fais de la médisance en parlant contre ce dirigeant-là. Ça, c'est contraire à la signification du hadith. Et donc, le but de la nasiha, c'est de plaire à Allah. Le but de la nasiha, c'est d'atteindre l'agrément d'Allah. Parce que toutes nos œuvres, tout ce qu'on fait comme action en islam, doit être fait pour Allah. Donc, toi, ta nasiha que tu veux donner à ce dirigeant-là, tu dois la donner à ce dirigeant pour plaire à Allah avant tout. Et la deuxième condition pour que tes œuvres soient acceptées, c'est qu'elles soient en accord, que l'action soit en accord avec la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc la nasiha que tu donnes à ce dirigeant, tu dois la donner selon l'exemple que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de respecter. Et par rapport au dirigeant, il nous a ordonné de lui donner la nasiha en privé et non pas devant les gens. Donc, si tu ne peux pas respecter ces conditions-là, alors tu dois t'abstenir de donner la nasiha, puisque sinon tu ne respectes pas la condition qui doit être respectée pour donner la nasiha au dirigeant en question. Donc, les manifestations que les gens font, par exemple, dans certains pays, lorsqu'ils ne sont pas contents de leurs dirigeants et qu'ils sortent dans les rues, avec des drapeaux et des bannières et des pancartes et qui crient des slogans et qui font tout ce genre de fanfares et de toutes sortes de bruits, ça c'est une méthodologie qui vient des koufars et qui n'a rien à voir avec l'islam et qui est interdite par le Coran et la Sunna et contraire à la voie des salafs salih. Donc si quelqu'un il a un conseil à donner aux dirigeants, c'est pas en sortant dans la rue avec des masses ignorantes de gens qui le suivent et qui savent même pas qu'est-ce qu'ils font, mais plutôt c'est de lui faire parvenir la nasiha et de lui donner le bon conseil Hein, et donc de perdre le temps à sortir dans les rues, ça, ça sert à rien. Et c'est contraire à l'islam. Le cheikh il explique aussi ensuite, il dit « وَالْخَارِجُ مِنَ الْجَمَاعَةِ أَلْحَقَ بِهِ الشَّارِعُ عُقُوبَاتٍ غَلِيظَةٍ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَتَنَاسَبُ مَعَ عِظَمِ جَرِيمَتِهِ hein? وَمِنْ ذَلِكَ أَوَّلًا أَنَّ مَنْ مَاتَ وَهُوَ خَارِجٌ عَنِ الطَّاعَةِ مُفَارِقٌ لِلْجَمَاعَةِ مَاتَ مَيْتَةً جَاهِلِيَّةِ مَاتَ مَيْتَةً جَاهِلِيَّةِ ثَانِيًا ومن فارق الجماعة فإنه لا يسأل عنه يعني كيانة عن عظيم ذنبه ثالثا ومن فارق الجماعة فلا حجة له عند الله يوم القيامة رابعا ومن فارق الجماعة فإن الشيطان معه يرتكض وخامسا ومن فارق الجماعة يعني حل دمه حل دمه. Le cheikh il mentionne que la personne qui se rebelle contre la jama'a et qui se révolte contre le dirigeant, hein, parce que vous savez que les ulama ils disent il n'y a pas yani, c'est quoi l'expression des ulama, c'est ça, ils disent il n'y a pas de dirigeant, il n'y a pas de jama'a sans dirigeant, et il n'y a pas de dirigeant sans obéissance. Hein? Donc, la jama'a, c'est le corps des musulmans qui se sont réunis ensemble autour de leur dirigeant. Hein? C'est ça qu'on appelle la jama'a. Et celui qui sort de la jama'a, c'est celui qui soit rejette l'autorité de ce dirigeant-là ou refuse l'allégeance à ce dirigeant-là et qui cherche à diviser la jama'a, diviser les musulmans en essayant justement de s'approprier ou de prendre le pouvoir hein, de ce dirigeant-là. Et lorsque quelqu'un vient essayer de disputer au dirigeant son autorité, son pouvoir, eh bien le résultat c'est que les gens vont se diviser à cause de ça. Les musulmans vont se diviser en plusieurs groupes. Chaque groupe vont défendre un chef et ça va créer le chaos, la guerre civile et des problèmes à l'intérieur du pays et ça va être le désordre. Et on a vu ça dans différents pays musulmans malheureusement dans la dernière décennie et les dernières années, on a vu le résultat. Hein, avec les soi-disant les printemps arabes, comme ils l'ont appelé, qui n'a rien à voir avec un printemps. Regardez juste l'exemple de la Libye, de la Syrie, de l'Irak. On a vu les résultats, les conséquences de ça. Et c'est des conséquences désastreuses. Tout ça, c'est le fruit de s'être rebellé contre le dirigeant. Hein? Quelqu'un peut dire, oui, mais ces dirigeants-là, ils n'étaient pas corrects. C'est vrai, peut-être, certains d'entre eux, ils n'étaient pas corrects. Même que certains d'entre eux, peut-être que certains ulama ont déclaré kafir parmi ces individus. Sauf que la présence de ce dirigeant-là avant et l'état dans lequel ils étaient par rapport à leur sécurité et leur unité, la façon qu'ils étaient, ils étaient beaucoup mieux sur le plan de la vie de leur religion que ce qu'ils subissent actuellement dans ces pays-là. Et le désordre qui dans lequel ils vivent, l'insécurité et les troubles qui font qu'ils s'éloignent encore plus de la religion qu'auparavant. Donc, les conséquences sont graves et dangereuses. Et le cheikh, il a mentionné parmi les punitions de se rebeller contre le dirigeant, dans cette vie, d'ici-bas et dans l'au-delà, il mentionne certaines menaces qui ont été mentionnées à ce sujet-là dans le Coran et dans la Sunna. Il y a des hadiths sur ça. Et ceux qui veulent voir les détails de ces preuves-là peuvent retourner au livre du Cheikh Al-Amru Bil-Uzum et Jama'at al-Muslimin. Dedans, il mentionne les preuves de chaque point. Premièrement, que la personne qui meurt alors qu'elle s'est rebellée contre l'autorité de son dirigeant et l'obéissance de son dirigeant et qui s'est séparée de la Jama'a, eh bien, il meurt d'une mort qui est semblable à la mort de l'époque de la Jahiliya, l'époque pré-islamique. Et les ulama ont expliqué à ce sujet-là que ça ne veut pas dire qu'il est mécréant. Ça veut dire que les gens avant l'islam, dans la Jahiliya, les Arabes, ils étaient tous divisés en tribus. Et chaque tribu combattait l'une l'autre pour n'importe quoi, n'importe quelle raison. Hein? Alors, c'était des guerres interminables, hein, qui ne terminaient jamais. Et jamais les Arabes auraient pensé qu'un jour ils auraient pu être tous unis derrière un seul dirigeant. Parce que c'était des gens qui étaient tribalistes et qui étaient vraiment fiers et qui refusaient justement qu'un soit au-dessus d'eux, que quiconque soit au-dessus d'eux. Donc c'est pour dire que l'islam est venu annuler cette situation de Jahiliya et a réuni tous les croyants sous un seul dirigeant. Ça, c'était à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les ulama ont dit, puisque par la suite il y a eu des guerres entre les musulmans, puis que finalement, lorsque les Tatars sont entrés dans les pays musulmans, il y a eu le démembrement du khilafa ou de la umma à l'époque. Chaque région est devenue un pays indépendant et séparé de l'autre. Les ulama de l'époque ont légiféré à ce sujet que chaque contrée était donc dans ce cas-là un pays musulman et que le dirigeant de chacune de ces régions avait le rôle et la responsabilité du khalifa dans la région dans laquelle il était au pouvoir. Et que l'obéissance des musulmans qui vivaient dans cette contrée-là était obligatoire pour le dirigeant qui les dirigeait là où ils sont. Hein? Donc, ça veut dire que chaque musulman qui vit dans un pays quelconque et qui a un dirigeant qui est au pouvoir de ce pays, il lui doit donc l'allégeance et l'obéissance dans le bien. Et il lui est interdit de se rebeller et de se révolter contre lui. Donc évidemment, c'est sûr qu'actuellement, l'Occident fait beaucoup de pression chez les musulmans pour qu'ils acceptent la démocratie et qu'ils acceptent les élections et les votes et les partis et tout le tralala, comme on dit. Mais les musulmans doivent refuser ce genre de système. Et ils doivent revenir au système de la religion de l'islam et adopter le principe de la bay'a à leurs dirigeants et de s'unir autour du dirigeant sans qu'ils aient à voter à chaque année ou à chaque 4 ans pour un nouveau dirigeant, parce que ça ramène que de la fitna et que des problèmes. Et en islam, le principe, c'est que le dirigeant, il est au pouvoir. Une fois qu'on lui a donné la bay'a, il reste au pouvoir jusqu'à la mort. On ne va pas changer à chaque 4 ans un nouveau dirigeant à chaque fois. Puis quand tu lui dis, mais qu'est-ce que tu fais là? T'as pas arrangé les problèmes. Et il dit, mais c'est pas ma faute. C'est celui qui était là avant moi qui a fait les choses pas correctes. Puis moi, j'essaie de réparer. Et à chaque 4 ans, c'est la même chose. Hein? Il dit, moi j'essaie de réparer les erreurs de celui qui m'a précédé. Donc après 4 ans, c'est un autre qui vient, puis il fait pas mieux. Donc c'est une perte de temps inutile. Vous savez que dans certains pays musulmans où il y a des dirigeants, par exemple parmi les pays musulmans, il y a des endroits où c'est, par exemple, il y a des dirigeants, comme certains rois, ils ont régné, comme en Arabie Saoudite, le roi Fahd. Rahimahullah, il était au pouvoir pendant presque 40 ans. Yani. Bon, pendant ces 40 ans-là, il a vu combien de présidents américains, combien de présidents français, combien de présidents canadiens, combien de... Lui, il est toujours là. Pendant ce temps-là, les autres, à chaque 4 ans, ils ont un nouveau qui vient se présenter pour dire... La reine d'Angleterre, c'est elle qui a eu un des règnes les plus longs de l'histoire de l'Angleterre. Et elle en a vu combien de ministres et de premiers ministres passer et aller dans son pays, alors qu'elle est toujours le chef de l'État. Donc c'est pour dire que la démocratie, ça ramène pas de stabilité en réalité, ça fait juste c'est comme une chaise musicale, ça finit jamais, puis ça ramène plus de fitna que d'autres choses, surtout dans les pays musulmans. Et donc c'est pour ça que les musulmans doivent rejeter ça et cesser de vouloir toujours copier et calquer les pays musulmans. Et dans le passé, les pays de l'Occident, oui, pardon, les pays de l'Occident. Et une des choses qui est triste, c'est que dans le passé, les musulmans, parfois, c'est possible que certains dirigeants étaient injustes ou qu'ils faisaient des péchés, mais ils étaient toujours convaincus et déterminés de vouloir toujours considérer que l'islam, c'est la religion d'Allah et qu'il faut faire tout pour la défendre et la propager. On vit à une époque maintenant où certains, par exemple, parfois parmi les dirigeants, certains sont éduqués en Occident et ils ont les mentalités occidentales, ils ne connaissent pas vraiment bien la religion musulmane parfois. Donc ils ont besoin autant de da'wah que la population. Hein? Ils ont besoin autant de da'wah que la population. Pourquoi? Parce qu'on ne leur a pas appris l'islam comme il faut, donc ils ont besoin d'être rééduqués dans l'islam. Et puis, ils ont besoin de se désavouer des systèmes de l'Occident. On a entendu dernièrement dans les nouvelles qu'il y avait un sultan d'une île qui s'appelle Brunei qui a dit qu'il voulait maintenant appliquer certaines des peines de la charia de l'islam. Donc ça, c'est une bonne chose. On ne va pas critiquer ça. S'il fait ça, au contraire, c'est quelque chose qui est positif parce que ça fait partie des règles de la religion. Mais ça, c'est quelque chose qui est obligatoire à tous les pays musulmans, pas seulement à Brunei ou bien. Puis en même temps aussi, une chose importante par rapport à ça, c'est que si on veut appliquer la charia de l'islam, eh bien la priorité par rapport à la charia, c'est d'appliquer le tawhid d'Allah et la aqida. Hein? Donc, si par exemple dans ton pays tu dis je vais lapider les gens qui font l'adultère puis je vais couper la main des voleurs, mais il y a des gens qui adorent des tombes et qui font du shit, mais ça tu le laisses, alors dans ce cas-là, quelle charia t'as appliqué? La charia, le plus important dans la charia, c'est le tawhid, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Mais si dans ton pays tu ouvres la porte au bid'a puis au shirk et à toutes sortes d'égarements, donc la base même de la charia, tu l'as détruit. Donc, à quelle charia tu appelles, hein? Donc, ça, c'est très important de le souligner et puis de bien comprendre cet aspect-là. Ensuite, donc, on a dit celui qui meurt en s'étant rebellé contre l'autorité, eh bien, il meurt dans une mort semblable à celle de la Jahiliya, la période pré-islamique. Deuxièmement, Allah ne va pas demander à son sujet au jour de la résurrection à cause de la gravité de son péché. Troisièmement, la hujjata lahu indallah. Il n'y aura aucun argument en sa faveur auprès devant Allah. C'est-à-dire, il n'y aura rien pour justifier quoi que ce soit de ce qu'il fait auprès d'Allah au jour de la résurrection. Quatrièmement, le diable sera avec lui, hein, assis avec lui. Et cinquièmement, son sang sera licite. Ça veut dire la personne qui s'est rebellée contre le dirigeant, eh bien le dirigeant a l'obligation de... Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Le dirigeant a l'obligation, l'autorité, l'obligation de le combattre et de l'exécuter. Comme c'est mentionné dans les hadiths à ce sujet-là. Yani, man c'est ça, j'avais ramené le... Alaykoum salam wa rahmatullah. J'avais ramené le recueil de hadiths que j'ai rassemblé, des hadiths sur l'obéissance aux dirigeants. Et il y a des hadiths à ce sujet justement dedans. Donc il y en a un en particulier qui parle justement contre le fait de se rebeller et de diviser la jama'a. Et je vais vous le lire. Ouais, je l'ai trouvé. C'est un hadith qui est rapporté selon Arjafa. Hein? Et ce hadith-là, il est rapporté par l'imam Muslim. Il dit dans ce hadith: « Innahu satakunu hanatun wa hanat. » فمن أراد فمن فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان. Donc le hadith qui est rapporté selon Arjafa par l'imam muslim. Et quand il dit hanatun wa hanat, c'est-à-dire shururun wa fasadat mutatabi'at. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il va y avoir beaucoup de mal qui vont se suivre les uns après les autres, hein, et du désordre. Et il dit, quiconque vient pour diviser cette umma alors que elle est unie, alors frappez-le de l'épée, peu importe qui il est. Et une autre narration de ce hadith, il dit, man atakum wa amrukum jami' ala rajulin wahid yuridu an yashqa 'asakum aw yufarriqu jama'atakum faqtuluhu. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui vous vient alors que vous êtes unis derrière un seul homme et qui veut briser l'unité dans lequel vous êtes, ou diviser votre jama'a, alors tuez-le. C'est-à-dire ça c'est l'ordre qui est donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam, aux dirigeants d'exécuter la personne qui crée la rébellion, si c'est un individu, si c'est un groupe, de les combattre. Et c'est rapporté également selon Abu Sa'id al-Khudri, il dit, « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. » Si on a donné la bay'a à deux khalifas, deux dirigeants, alors tuez le deuxième d'entre les deux. Pour éviter qu'il y ait de la fitna et toujours de la contestation de la part de l'autre. Hein? Parce que sinon, une partie des musulmans vont donner la bay'a à l'un et les autres vont donner bay'a au deuxième. Et ça va toujours créer de la dissension, hein? Et des problèmes. Donc il y a beaucoup de hadith à ce sujet-là. Après le cheikh il dit ويعتقد أهل السنة والجماعة أن الدعاء لولي الأمر بالصلاح والمعافاة مما يحمد ويتأكد وهو علامة الرجل من أهل السنة كما قال الإمام البربهاري في كتاب السنة إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى وإذا سمعت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة. يقول الفضيل بن عياض لو كان لي دعوة ما جعلتها إلا في السلطان فأمرنا أن ندعو لهم بالصلاح ولم نؤمر أن ندعو عليهم وإن جاروا وظلموا لأن جورهم وظلمهم على أنفسهم وعلى المسلمين وصلاحهم لأنفسهم وللمسلمين. انتهى كلامه. وقال الإمام الصابوني في عقيدة السلف وأصحاب الحديث ويرون الدعاء لهم بالصلاح والتوفيق والصلاح. انتهى كلامه. Donc le cheikh il explique que de faire les gens de la sunna, ils croient que de faire des du'as pour le dirigeant, hein, et de demander pour lui qu'il soit réformé, qu'il soit bon et qu'il soit pardonné et épargné, que ça fait partie des choses qui sont louables et des choses qui sont très importantes. Et c'est un signe même qui distingue le musulman qui fait partie des gens de la sunna. Et l'imam al-Barbahari dit dans son livre As-Sunnah, il dit, si tu vois l'homme qui invoque contre le dirigeant, sache que c'est une personne qui est sur la passion, qui suit la passion, c'est-à-dire la bid'a. Hein, comme les Khawarij, qui invoquent Allah contre les dirigeants. Et il dit, et si tu entends l'homme qui invoque, hein, qui demande à Allah en faveur du dirigeant, qui demande le bien pour le dirigeant, sache que c'est une personne qui est sur la sunna. Hein? Donc ça c'est un signe distinctif entre les gens de la bid'a et les gens de la sunna. Et justement il y a un frère qui a posté une citation, une parole d'un des ulama, parmi les ulama du Yémen, Cheikh l'imam al-Mu'allimi, il dit dans une de ses paroles que al-muhaddithun qad yutliqun al-khawarij ala mutlaq al-kharijin ala al-sultan wa in kanu bari'ina an sa'iri aqwal al-khawarij al-shadha. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les muhaddithun, les ulama de hadith, ils peuvent utiliser le terme khawarij pour clarifier parfois toute personne qui se rebelle contre le dirigeant, malgré qu'ils sont innocents des autres croyances singulières des khawarij. Pourquoi? Parce qu'ils se révoltent contre le dirigeant, ils les appellent des khawarij, même s'ils ne croient pas la aqidah des khawarij. Parce que les khawarij, ils croient que le dirigeant est kafir parce qu'il a commis un péché. Tandis qu'il y a des personnes qui se rebellent contre un dirigeant parfois, pas parce qu'il croit qu'il est kafir. Il croit qu'il est musulman. Sauf qu'il considère que eux sont plus aptes à être au pouvoir que eux. Hein? Ils considèrent qu'ils méritent plus le pouvoir que ceux-là. Ou que ce dirigeant-là est injuste ou qu'il a fait des injustices et ils ne sont pas satisfaits de lui. Donc ils veulent l'enlever du pouvoir pour prendre sa place, soit par amour du pouvoir, ou soit par amour de la richesse, ou soit par jalousie, ou pour d'autres raisons. Dans ce cas-là, tu vas pas dire ces gens-là sont des khawarij. On les appelle les bourrates. Des bourrates, des gens qui font la transgression. Mais les ulama, parfois, ils les qualifient eux aussi des khawarij. Ils appellent khawarij parce qu'ils se révoltent contre les dirigeants. Donc c'est une explication ici que j'ai trouvée intéressante. Et donc ceux qui font des doigts contre les dirigeants, hein, ça aussi ça rentre dans cette catégorie-là, ça rentre dans la catégorie des gens qui sont sur la voie des khawarij, parce que c'est eux qui font toujours des doigts contre les dirigeants. Donc tu leur dis, mais pourquoi, au lieu de faire des doigts contre lui, pourquoi tu ne fais pas des doigts pour que Allah l'améliore et le rende meilleur, hein, pour que Allah le guide, hein? Comme ça, au moins, ça va être du bien. Et il y a une preuve dans l'exemple des salaf à ce sujet-là, comme Al-Fudayl ibn Iyad qui dit, « Si je savais que j'avais une invocation exaucée, je l'aurais gardée pour le dirigeant. Hein? » Parce que on a été ordonné de faire des doigts pour eux, pour leur bien. Hein? Et on n'a pas été ordonné de faire des doigts contre eux, même s'ils font de l'injustice et de la tyrannie. Il dit parce que leur injustice, l'injustice et la tyrannie qu'ils font, c'est contre eux-mêmes et contre les musulmans. Tandis que le bon qu'ils ont, c'est pour eux-mêmes et pour les musulmans. Donc si lui, l'imam Al-Fudayl ibn Iyad, il dit, si je pouvais avoir une invocation qui était exaucée, je l'aurais gardée pour lui, pour le dirigeant, parce que ça ramène beaucoup de bien pour les musulmans. Hein? Et l'imam As-Sabuni, parmi les salafs, il dit dans son livre « Aqidatul Salaf wa Ashab al-Hadith » qu'il considérait, c'est-à-dire les salafs, que de faire le dua pour le bien, hein, pour le dirigeant, que ça faisait partie, hein, de la voie des salafs. Donc ils invoquent Allah pour le bien et pour le succès du dirigeant. Et le shaykh, il dit ensuite « L'interdiction de les maudire et de les insulter ». Donc il dit وَيَرَوْنَ أَنَّ سَبَّهُمْ مِمَّا نُهِيَ عَنْهُ شَرْعًا بِاتِّفَاقِ أَكَابِرِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه نهانا كبراءنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لا تسبوا أمراءكم ولا تغشوهم ولا تبغضوهم واتقوا الله واصبروا فإن الأمر قريب رواه ابن أبي عاصم في السنة وغيره. Donc il dit le cheikh qu'il considère qu'il est interdit d'insulter les dirigeants et que ça c'est interdit par la religion, hein, par la révélation, selon l'accord de tous les grands parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Anas ibn Malik radiyallahu anhu a dit, hein, nos grands parmi les sahaba, les compagnons du messager, nous ont interdit d'insulter les dirigeants. Et il dit, il a dit, c'est ça, il dit, n'insultez pas vos dirigeants. C'est-à-dire en parlant des sahaba, ils ont dit, n'insultez pas vos dirigeants et ne les trahissez pas. Ne les détestez pas et préservez-vous d'Allah et soyez endurants et patients car hein, l'affaire est proche. Hein. Et ça c'est rapporté par Ibn Abi Asim dans son livre Sunnah et d'autres l'ont rapporté également. Donc il nous reste deux petits chapitres qui sont pas longs, Inch'Allah on va les terminer. Le chapitre 11 c'est An-Nahyu anil jidali fi d-din. L'interdiction de faire des débats et des argumentations dans le faux par rapport à la religion. Et donc on peut rentrer là-dedans toutes les questions qui ont rapport à la philosophie, hein, sur le plan de disputer philosophiquement sur la religion ou à propos de la prédestination ou tout ce qui a rapport avec la méthodologie des gens de Kalam, hein, c'est-à-dire la théologie spéculative basée sur la philosophie et la logique aristotélicienne. Également toutes les disputes qui ont rapport avec les bid'a, les gens de bid'a et leur méthodologie, c'est-à-dire de débattre, yani dans le faux pour essayer de supporter la bid'a. Également l'exemple des khawarij, parce que les khawarij sont des gens qui aiment beaucoup la dispute et l'argumentation. Et ils aiment les débats. Les kuffars en général aussi parmi les gens qui aiment jeter des shubuhat et essayer de jeter des ambiguïtés et des doutes, hein, dans le cœur des croyants au sujet de la foi. Donc il faut faire attention à ça. De même également les sites, les forums de débats dans lesquels il y a des gens qui aiment aller pour faire des disputes. Aussi par exemple des sites comme Facebook. S'il y a des gens par exemple des gens qui rentrent dans des groupes sur Facebook où il y a des gens qui sont de toutes sortes de tendances et chacun essaie de défendre sa position et ses égarements. Donc les gens rentrent dans des disputes ou des débats avec eux, puis les autres amènent toutes sortes d'ambiguïtés, de doutes et de questionnements, et la personne qui n'a pas de science, elle rentre dans ces discussions-là et elle ne sait pas comment répondre parce qu'elle n'a pas de science, et donc elle commence à avoir des doutes, avoir des problèmes, avoir des questionnements. Et elle cherche toutes sortes de réponses, et parfois elle va chercher des réponses dans des endroits où elle trouve encore plus d'ambiguïté. Donc c'est un cercle vicieux, et ça ramène à l'égarement à la fin. Et beaucoup de gens qui étaient une fois sur la sunna et sur la foi sont tombés dans la mécréance ou dans la bid'a à cause de ce genre de situation-là. Donc le Cheikh Ibn Burjis, rahimahullah, il dit... وينهى أهل السنة والجماعة عن الجدال والخصومات في الدين إذ قد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه وفي المسند وسنن ابن ماجة وأصله في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وهم يختصمون في القدر فكأنما يقفأ في وجهه حب الرمان من الغضب فقال بهذا أمرتم بهذا أمرتم أو لهذا خلقتم تضربون القرآن بعضه ببعض وبهذا هلكت الأمم قبلكم. Donc le cheikh il explique que les gens de la sunna interdisent les disputes et les débats dans la religion. Et la raison de ça c'est parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a averti les musulmans à ce sujet. Et il est rapporté dans Al-Bukhari et Muslim que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Récitez le Coran tant que vos cœurs sont unis ensemble sur qu'est-ce que vous lisez du Coran. » Et lorsque vous êtes en divergence, levez-vous. En voulant dire, disputez-vous pas sur le Coran. parce qu'il y a des gens, ils veulent toujours disputer sur la religion. Ils pensent que la religion, c'est un sujet de débat. Et tu les vois quand ils sont assis entre eux, ils commencent à parler de l'islam. Et il y en a un qui dit, ah oui, mais moi j'ai lu ça, puis l'autre il dit, oui, mais moi j'ai lu ça, puis non, mais moi ça c'est pas vrai, ça c'est ça, puis ça c'est ça. Puis... Et les deux ils savent pas, et les deux ils savent pas la preuve, et il y en a pas un des deux qui est capable d'expliquer pourquoi. Et ils se disputent, et ça peut arriver même parfois à ce que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire qu'ils vont ressentir de la haine ou de la rancune l'un envers l'autre à cause de cette dispute-là, parce que le shaitan, il rentre entre eux dans leur cœur, il va mettre entre eux de l'animosité, de la rancune et de l'orgueil et de l'arrogance. Peut-être que l'un d'entre eux même va rejeter ou renier quelque chose de vrai, et peut-être que l'un d'entre eux va accepter quelque chose de faux à cause de l'ignorance et à cause de l'orgueil et de l'arrogance. Donc, dans des situations pareilles, il faut se lever et cesser cette dispute et arrêter de débattre. Ensuite, le cheikh, il a mentionné un autre exemple qui est mentionné dans la Musnad et dans le Sunan de l'imam Ibn Majah. À la base, il est dans le Sahih Muslim, que c'est rapporté selon Abdullah ibn Amr, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti, il a trouvé les gens en train de disputer au sujet du qadar, la prédestination. Et quand il a vu ça, les sahaba ont décrit le visage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont dit, c'est comme si on avait éclaté ou crevé une graine de pomme-grenade sur son visage. Hein? Vous savez, la pomme-grenade, le jus de la pomme-grenade, comment c'est rouge? Son visage est devenu rouge comme ça, tellement il était en colère. Et il a dit, est-ce que c'est ça qui vous a été ordonné? Est-ce que c'est pour ça que vous avez été créé? Vous voulez frapper le Coran, une partie contre l'autre? Il dit, c'est ainsi que les peuples avant vous ont péri. Donc il était extrêmement en colère par rapport à ce genre de comportement et cette attitude. Et ça, c'est l'exemple des gens de Bid'a. C'est comme ça qu'ils débattent. Hein? Certains, ils prennent une partie du verset ou un verset, puis l'autre secte qui prend un autre verset ou une autre partie du verset, et puis ils se débattent les uns contre les autres, ils frappent un verset contre l'autre. Hein? Wal'iyadu billah. Après, le cheikh, il dit, bal jaa al-khabar bi anna al-jidal 'uqubatun min 'uqubati Allah fi al-ummah. Fa fi sunan at-Tirmidhi wa Ibn Majah من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل ثم قرأ ما ضربوه لك إلا جدلا. Donc le cheikh, il dit que même qu'il est mentionné dans une narration que la dispute et les débats dans la religion, c'est une punition parmi les punitions d'Allah pour la Ummah. Lorsqu'ils désobéissent, hein, il est rapporté dans le Sunan de l'Imam at-Tirmidhi et également celui de Ibn Majah, le hadith de Abi Umama radiyallahu anhu, qui dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y a pas un peuple qui s'égare après avoir été sur la guidance, excepté qu'ils ont reçu, hein, les argumentations, hein, les débats dans la religion. Puis ils ont cité le verset, il a cité le verset 58 dans Sourate Az-Zukhruf, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie, ils ne te l'ont mentionné que comme, hein, un argument pour débattre. Ma darabuhu laka illa jadala, balhum qawmun khasimun. C'est-à-dire les koufas de Quraysh, ils ont mentionné au prophète sallallahu alayhi wa sallam l'exemple de Isa ibn Maryam. Hein? Ils l'ont juste mentionné comme pour débattre, pour débattre, pour défendre le faux et pour argumenter dans le faux au prophète sallallahu alayhi wa sallam, en voulant dire, ouais, mais hein, toi tu dis qu'il faut adorer Allah seul, hein, et pourtant les gens du livre, hein, eh bien eux ils adorent Jésus, hein, et qu'est-ce que tu dis de ça? Donc s'ils veulent argumenter dans le faux avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et Allah il dit, ma darabuhu laka illa jadala, te l'ont mentionné que pour débattre. Balhum qawmun khasimun, ce sont un peuple disputeur. Hein? Les gens de Quraysh sont un peuple disputeur. Après le cheikh, il dit, wa qala l'imam Ahmad rahimahullah. L'imam Ahmad rahimahullah a dit, أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع وكل بدعة ضلالة وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. انتهى كلامه. Donc le cheikh, il cite les paroles de l'imam Ahmad dans son livre أصول السنة, les fondements de la sunna, qui sont les fondements de la aqidah des salafs et du manhaj des salafs. Il dit dans son livre, les fondements de la sunna pour nous, c'est-à-dire les gens de la sunna, c'est de s'accrocher à ce à quoi s'accrochaient les compagnons du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et de les prendre comme un modèle et un exemple à suivre, et de délaisser les innovations, et de croire que toute innovation est un égarement, et de délaisser les disputes et les argumentations, de délaisser les disputes, hein, et de ne pas s'asseoir avec les gens de la passion, les gens de bid'a, et de laisser les débats et les argumentations et les disputes à propos de la religion. Fin de la citation. Le cheikh, il dit, wa kullu dhalika fil jidal bil batil aw al jidal fil haqq بعد ما تبين أو الجدال فيما لا يعلم المحاج أو الجدال في المتشابه من القرآن أو الجدال بغير نية صالحة ونحو ذلك. أما إذا كان الجدال لإظهار الحق وبيانه من عالم له نية صالحة ملتزم بالأدب فذلك مما يحمد. قال الله تعالى: ادع الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن. وقال تعالى: ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن. وقال تعالى: قالوا يا نوح قد جادلتنا فاكثرت جدالنا فاتنا بما تعدنا in kunta min as-sadiqin. Donc le cheikh, il mentionne qu'il y a deux formes de débat dans la religion qui sont possibles, al-jadal al-madhmoum ou al-jadal al-mahmoud. Il y a deux formes de débat ou d'argumentation qui sont possibles, celui qui est blâmable et celui qui est louable. Donc c'est pas toute forme de débat qui est interdit de façon absolue. Il peut y avoir certaines formes qui sont permises et qui sont louables. Donc le cheikh, il explique la différence entre les deux. Il dit donc le débat ou l'argumentation qui est blâmable, c'est tout débat qui est fait pour défendre le faux, ou toute discussion ou débat à propos de la vérité après que la vérité ait été clarifiée, ou tout débat ou discussion dans les choses sur lesquelles on ne sait pas qui a raison ou qui a tort, ou des discussions ou des débats dans des choses qui font partie des questions équivoques dans le Coran, c'est-à-dire des choses qui peuvent porter à diverses interprétations et au sujet desquelles on ne sait pas la définition ou la signification claire. Et donc, dans ce cas-là, c'est pas permis de discuter ou débattre sur ces sujets-là. Ou bien, le débat ou la discussion, lorsque l'intention de l'un des deux ou des deux n'est pas sincère, n'est pas bonne. Donc ça, c'est des situations dans lesquelles le débat et la discussion est blâmable, elle n'est pas permise. Tandis qu'il y a d'autres circonstances ou d'autres situations dans lesquelles le débat et la discussion est louable. Et il dit, le cheikh, que c'est lorsque la personne a l'intention de faire paraître la vérité et de la clarifier, et que la personne en question est un savant, c'est-à-dire c'est pas un jahil, un ignorant, quelqu'un qui n'a pas étudié ou qui n'a pas de science, et que la personne en question, elle a une bonne intention et qu'elle utilise le respect et la bonne manière, l'adab. Elle ne va pas argumenter, débattre de manière irrespectueuse ou de manière insultante ou dénigrante ou être impolie ou des choses comme ça. Et ça, c'est ce qui est louable. Hein? Et il mentionne à ce sujet-là des versets dans le Coran. Le verset 125 dans Sourate An-Nahl, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, ce qui signifie, invite au chemin de ton Seigneur avec sagesse et avec bonne exhortation. Et argumente et discute avec eux de la meilleure manière. Hein? Le verset 46 dans Sourate Al-Ankabut, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, et n'argumente ou ne discute pas avec les gens du livre, excepté de la meilleure manière. Hein? Et même à la suite de ce verset-là, Allah dit, إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ, excepté ceux d'entre eux qui sont injustes. Et le verset 32 dans Sourate Hud, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne, qu'est-ce que le peuple de Nuh a répondu à Nuh lorsqu'il leur a expliqué la vérité. Hein? Nuh, il ne va pas débattre dans le faux avec son peuple, il débat avec eux dans le vrai et il leur mentionne les preuves de la part de son Seigneur et il leur clarifie la vérité. Et le peuple de Nuh, il répond, le verset 32 dans Sourate Hud, ils ont dit, ô Nuh, tu as argumenté avec nous et tu as disputé beaucoup, discuté et argumenté avec nous, alors amène-nous ce que tu nous as menacé. Hein? Amène-nous la chose dont tu nous as menacé si tu es parmi les véridiques. Ou ce que tu nous as promis. Hein? Qu'est-ce que tu disais? Ah. Ouais, c'est ça. Amène-nous ce que tu nous as menacé ou ce dont tu nous as promis si tu es parmi les véridiques. Donc on veut plus entendre tes arguments, tes explications, tes preuves, ça nous est égal. Hein? Amène la menace, amène le châtiment d'Allah si tu es véridique. Allah al-musta'an. Et parmi les exemples, le Cheikh il dit wa akhbara ta'ala an muhajati Ibrahim alayhi salam, alayhi salatu wassalam ma'a qawmihi wa Musa alayhi salatu wassalam ma'a Fir'aun. Wa fi sunnati dhikru muhajati Adam وموسى عليهم الصلاة والسلام ونقل عن السلف الصالح مناظرات كثيرة كلها من الجدال المحمود الذي توفر فيه العلم والنية والمتابعة وأدب المناظرة عفوا. Donc le Cheikh il explique certains exemples de discussions et de débats qui ont eu lieu soit dans l'exemple des prophètes ou bien dans les exemples des salafs. Donc il dit également, Allah nous informe dans le Coran des discussions et des argumentations de Ibrahim, hein, qu'il a eu avec son peuple ou bien qu'il a eu avec des personnes. L'exemple de Nimrod, quand il a rencontré le roi Nimrod et qu'il a dit mon Seigneur est celui qui fait vivre et qui fait mourir. Et lui, Nimrod, il a dit, moi je peux moi aussi faire vivre et mourir. Et après, il lui a dit, mon Seigneur, c'est celui qui fait venir le soleil de l'est. Alors toi, fais-le lever à l'ouest. Donc là, il a été bouche bée. Il ne pouvait plus rien dire. Ça, c'est un exemple de débat, hein, qui est mentionné dans le Coran. L'exemple aussi de Moussa avec Pharaon. Ou l'exemple de Adam avec Moussa dans la Sunna, hein, lorsque Adam a argumenté avec Moussa, parce que Moussa lui a dit c'est à cause de toi qu'on est sorti du paradis, et Moussa lui a dit pourquoi tu me blâmes de quelque chose que Allah avait prédestiné déjà auparavant, hein? Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit c'est comme ça que Adam a eu le dessus sur Moussa dans cette argumentation-là. Vous pouvez retourner au hadith, il est dans Al-Bukhari et Muslim. Et également, parmi les débats qui ont été rapportés de la part des salafus salih, il y en a de nombreuses. Par exemple, le débat de Abdullah ibn Abbas avec les Khawarij, lorsqu'il a débattu contre eux. Le débat de l'imam Ahmad contre les Jahmiyyah, les Mu'tazila. Le débat d'autres parmi les ulama qui ont eu lieu également contre des Mubtadi'a. Les débats d'Ibn Taymiyyah contre les Soufis, contre plein de Mubtadi'a. Tout ça, c'est des exemples. Tout ça, c'est des exemples. Et il dit que dans ces discussions et dans ces débats-là, tout ça, c'était des débats louables. Et il y avait dedans toutes les conditions réunies de la science, de l'intention, du suivi, de la sunna et des bonnes manières qui sont reliées au débat et à l'argumentation. Et pour terminer, le dernier des chapitres qui est mentionné dans le livre, c'est « At-tahziru min mujalasati ahli al-ahwa ». C'est-à-dire la mise en garde contre le fait de s'asseoir avec les gens de la passion. Et on appelle les gens de bid'a les gens de la passion parce que la bid'a, elle est toujours basée sur des passions et non sur des preuves. C'est pas possible qu'une bid'a soit supportée par des preuves du Coran et de la Sunna. Donc les gens de la bid'a sont des gens qui se basent sur leur passion et qui suivent la passion. Et le cheikh, il explique, par rapport à ça, les avertissements des salafs au sujet des mubtadi'a et des gens de la passion. Et même que les salafs, quand on regarde dans les livres des salafs, ils ont mis en garde contre les mubtadi'a et les innovateurs plus que les mises en garde qu'ils ont fait contre les kuffars parmi les juifs et les chrétiens. Parce que le danger que représentent les gens de bid'a est beaucoup plus grand que le danger que représente le kuffar, l'asliyoun. Puisque le shaitan, il se réjouit plus de la bid'a que du péché. Hein? Si un musulman tombe dans le péché, il se réjouit de ça. Mais quand il voit un musulman qui tombe dans la bid'a, il se réjouit encore plus. Pourquoi il se réjouit plus? Parce qu'il sait que le musulman qui tombe dans le péché, il peut se repentir de ce péché-là parce qu'il a des remords, il se sent mal de commettre le péché. Tandis que la bid'a, quand le musulman tombe dans la bid'a, il ne se repent pas en général de la bid'a. Pourquoi? Parce qu'il pense que Allah aime cette bid'a et que quand il fait cette bid'a, il se rapproche d'Allah. Donc comment quelqu'un va se repentir de quelque chose dont il n'a aucun remords? Au contraire, il n'a pas de remords et il pense que Allah est satisfait de lui plus qu'il le fait. C'est ça le danger de la bid'a et c'est pour cette raison que la bid'a est beaucoup plus dangereuse et beaucoup plus grave que l'innovation, que le péché, pardon. La fatigue, hein. Et des fois, il faut voir aussi comment les ulama, ils ont dit comme... que si un juif ou un chrétien rentre ici dans la mosquée et qu'il commence à nous dire des choses sur l'islam, hein, et qu'il est habillé avec son habit de prêtre ou son habit de rabbin et qu'il vient nous parler de l'islam, personne ne va l'écouter. Parce que tout le monde va savoir que c'est un kafir. Hein. Mais si par contre un musulman qui vient ici avec son habit, hein, qui montre qu'il est musulman et qu'il commence à nous parler et dire qala Allah, qala Rasulullah, hein, et qu'il commence à mentionner des shubuhat et des arguments pour justifier la bid'a, il risque de tromper beaucoup plus facilement des gens que quelqu'un qui est kafir. C'est pour ça que le danger de l'innovateur, il est beaucoup plus grand que le danger du mubtadi'a. Hein. Combien de musulmans, par exemple, dans des pays musulmans, ont été trompés par des rafidas, parmi les chiens, qui viennent pour leur propager leur croyance d'égarement et leur kufr et leur shirk au nom de l'islam. Et les gens sont pris, séduits par ça parce qu'ils les voient en apparence qui ressemblent à des musulmans et qu'ils parlent, hein, au nom de l'islam. C'est ça qui montre le danger de la bid'a. Et le cheikh Abdussalam ibn Burgess, rahimahullah, il termine donc le livre par ce point-là. Et ça, c'est chacun des points qu'on a lus dans ce livre, c'est des points que les salafs mentionnent dans leur livre de Aqidah. Hein, c'est des fondements, ça, parmi les principes des salafs. Donc, ici, le cheikh, dans le 12e chapitre, qui est le dernier, il dit « وَحَذَّرَ أَهْلُ السُّنَّةِ مِنْ مُجَالَسَةِ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ وَالْبِدَعِ تَحْذِيرًا شَدِيدًا لِأَنَّ مُجَالَسَتَهُمْ فِيهَا مُخَالَفَةُ أَمْرِ اللَّهِ وَهِيَ عَلَامَةُ مَحَبَّتِهِمْ وَمُجَالِسُهُمْ عَلَى خَطَرٍ من الانقياد إلى ضلالهم ومتابعتهم على باطنهم. Le cheikh il dit, les gens de la sunna ont averti contre le fait de s'asseoir avec les gens de la passion et de la bid'a, et ils ont mis en garde de cela, d'une mise en garde sévère. Il dit parce que le fait de s'asseoir avec eux, il y a dans ça, premièrement, une contradiction du commandement d'Allah. Plus, il y a dans ça un signe qu'on les aime. Plus, il y a dans ça le fait que la personne qui s'assoit avec eux est dans un grand danger de se soumettre à eux dans leur égarement et de les suivre dans le faux qu'ils sont en train de pratiquer. Et il dit ensuite, « قال ابن تيمية رحمه الله والبدعة التي يعد بها الرجل من أهل الأهواء ما اشتهر عند أهل العلم بالسنة مخالفتها للكتاب والسنة كبدعة الخوارج والروافض والقدرية والمرجئة انتهى كلامه. الشيخ il mentionne ensuite que le critère ou la règle pour déterminer les gens de la bid'a qui ils sont et les gens de la passion, il dit que la bid'a c'est ce que les hommes parmi al-bid'a allati yu'addu biha ar-rajul min ahli al-ahwa. Donc il dit la bid'a que la personne va commettre et par laquelle il va être considéré comme faisant partie des gens de la passion, c'est toute chose qui a été mentionnée et qui est devenue connue par les gens de la sunna, les gens de science parmi les gens de la sunna, c'est-à-dire les gens de la sunna ont su de façon générale que ces choses-là sont en contradiction avec le Coran et la sunna. Parmi les choses qui sont en contradiction avec le Coran et la sunna, parmi les innovations qui sont propagés et qui sont connus chez les gens de science, parmi les gens qui sont sur la sunna, il y a la bid'a des khawarij, la bid'a des rawafid, la bid'a des qadariya, la bid'a des murji'a. Ça, c'est les quatre grosses bid'a, les quatre grosses têtes des bid'a. Et certains parmi les ulama des salaf ont expliqué que toutes les sectes qui sont apparues par la suite ont découlé de ces quatre premières grandes sectes. Les khawarij, qui ont dévié au sujet du takfir, et les rawafid qui ont dévié au sujet des sahaba, et les qadariya qui ont dévié au sujet de la prédestination et du qadar, et les murji'a qui ont dévié au sujet de la foi. Et ces quatre fondements-là sont quatre principes fondamentaux de la croyance en islam, et il y a des sectes qui ont dévié dans ces quatre fondements-là. Donc, ça, c'est les têtes, si on veut, des groupes de bid'a qui existent. Et tous les groupes de bid'a qui sont venus après, en général, ils tombent dans des bid'a qui sont reliés à ces quatre questions-là, ou ces quatre sectes-là. Et par exemple, on voit aujourd'hui, par exemple, qu'il y a les groupes comme les frères musulmans, Jamaat Tablir, Al-Adl al-Ihsan, et plein d'autres groupes contemporains, Daesh, Al-Qaïda et autres, des groupes de soufis, ils ont tous des erreurs dans ces croyances-là et dans ces aspects de la croyance. Donc, toute personne qui rentre dans ces groupes-là eh bien, ils font partie des gens de bid'a. Mais les salafs, ils font une distinction. Et ça, les ulama l'ont expliqué aussi. Et c'est important de faire cette distinction-là pour éviter justement de tomber dans certains excès, oui, et certains malentendus aussi. C'est que quand les ulama disent de ne pas s'asseoir avec les gens de la bid'a, c'est-à-dire parmi les gens de la bid'a en particulier, ceux qui sont des prêcheurs, qui appellent et invitent les musulmans à suivre leur bid'a. Donc, c'est les ulama, ils disent, c'est les du'ats. Les du'ats parmi les muqtadi'a. Si un musulman, il a une bid'a, mais qu'il appelle personne à la suivre, et qu'il la garde pour lui-même, ou que c'est pas une tête parmi les muqtadi'a, mais c'est juste un suiveur, et que lui-même, il connaît pas bien cette bid'a-là, mais il la suit par ignorance, hein, ou bien parfois il la suit juste par sympathie envers ceux qui prêchent cette bid'a-là, mais il ne va pas dire à quelqu'un, par exemple, viens avec moi, ou tu devrais faire ça toi aussi, ou tu devrais faire... Non, il garde ça pour lui. Dans des cas comme ça, c'est pas ceux-là que les salafs ont dit, tu dois mettre en garde contre eux, tu dois pas t'asseoir avec eux, ou des choses comme ça. Ceux au sujet desquels les salafs ont dit qu'il faut ne pas s'asseoir avec eux, pas leur passer le salam, rien faire avec ces gens-là, ce sont en particulier les prêcheurs, les du'ats. Toutefois, si tu connais quelqu'un parmi les musulmans qui fait partie des suiveurs et des awam, qui n'est pas un prêcheur, mais qu'il essaie de te lancer des ambiguïtés ou des doutes, ou des shubuhat par rapport à la bid'a en question, et que quand tu l'appelles ou que tu l'invites à la sunna, il te vient avec des arguments pour essayer de justifier la bid'a, alors dans ce cas-là, tu dois t'écarter de cette personne pour préserver ta religion, préserver ta aqidah et éviter de tomber dans le faux. D'accord? Ça, c'est, on appelle ça... un boycott préventif, d'accord? Parce que le boycott du mubtadi', il peut être de deux sens. Ça peut être un boycott dans le but de faire en sorte que la personne revienne, parce que quand il voit que tu lui coupes la parole et que tu cesses de le fréquenter, il va se sentir mal et il va vouloir revenir. Donc ça, c'est une sorte de boycott qui est dans le but de faire revenir la personne, hein? Tandis que si c'est dans une situation où la personne elle veut se préserver de l'innovateur ou de la personne qui lui met des doutes dans sa religion, donc elle va couper cette personne-là pour se protéger elle-même. Donc ça, c'est une sorte de hajr waqa'i. Les ulama disent hadha hajrun waqa'iyun. Hein, tu le fais pour te protéger. Ensuite, le cheikh il dit, قال الله تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. قال ابن عباس دخل في هذه الآية كل محدث في الدين وكل مبتدع إلى يوم القيامة نقله عنه البغوي في تفسيره. وقال ابن جرير الطبري وفي هذه الآية الدلالة الواضحة على النهي عن مجالسة أهل الباطل من كل نوع من المبتدعة والفسقة عند خوضهم في باطلهم. انتهى كلامه. وقال ابن عباس لا تجالس أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة للقلب ممرضة للقلب. تم بحمد الله وتوفيقه كتاب المعتقد الصحيح الواجب على كل مسلم اعتقاده أسأل الله تعالى أن يجعله لوجهه الكريم خالصا ولسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم موافقا وأن ينفع به عموم المسلمين صلى الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آل بيته الأطهار وصحبه الأخيار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Donc le cheikh il termine, on va lire ce dernier passage. Le cheikh il dit, Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne dans le verset 68 dans sourate Al-An'am, il mentionne ce qui signifie, et lorsque tu vois ceux qui pataugent dans nos versets ou qui argumentent dans nos versets dans le faux, alors détourne-toi d'eux jusqu'à ce qu'ils discutent d'une autre parole, d'une autre chose. Et si le diable t'a fait oublier de t'écarter d'eux, alors une fois que tu t'es souvenu, eh bien ne t'assois pas avec les gens injustes. Et le cheikh il cite une parole de Ibn Abbas radiyallahu anhu qui dit que dans ce verset on peut rentrer toute personne qui a innové dans la religion et tout innovateur jusqu'au jour de la résurrection. Et ça c'est rapporté par Al-Barawi dans son tafsir. Donc ça veut dire que le verset, il nous interdit de nous asseoir et de fréquenter des innovateurs et de rester avec eux lorsqu'ils parlent de leurs innovations. Hein? Et c'est pour ça que, si par exemple, vous savez qu'il y a un prêcheur innovateur qui vient dans une mosquée ou qui est invité pour un colloque ou un séminaire ou une conférence, quelque part dans l'endroit où vous êtes, alors dans ce cas-là, il n'est pas permis pour vous d'assister à cette conférence si vous savez que cet individu appelle à la bid'a ou appelle à de l'égarement ou appelle à des shubuhat qui mettent des doutes dans votre religion ou dans la sunna. Et l'imam Ibn Jarir al-Tabari, il mentionne également dans son tafsir à propos de ce verset-là qu'il y a dans ce verset la preuve claire de l'interdiction de s'asseoir avec les gens de la bid'a de toutes les catégories de bid'a, les gens du faux de toutes les catégories parmi les mubtadi'a et les pécheurs lorsqu'ils font leur fausseté ou lorsqu'ils pataugent dans leur fausseté. Et le cheikh il cite également une autre parole de Abdullah ibn Abbas lorsqu'il dit ne vous asseyez pas avec les gens de la passion car le fait de s'asseoir avec eux rend les cœurs malades. Rend le cœur malade. Naam. Et certains parmi les salafs, ils ont mentionné des exemples vraiment graves, des paroles, des exemples que les salafs, ils étaient vraiment stricts avec les innovateurs. Ils voulaient rien savoir de s'asseoir avec quoi que ce soit de ces gens-là. Et on voit dans les exemples des salafs que certains d'entre eux, ils ont dit, je préfère que mon fils fréquente des travestis et des débauchés que de le voir avec des innovateurs qui vont lui faire tomber dans la mécréance ou des choses comme ça. Et ils ont mentionné également certains d'entre eux, comme je pense c'est l'imam Ayyub Sirtiani, quand un innovateur est venu vers lui pour lui dire, je veux lire avec toi un verset de Coran. Il a dit, non, je veux pas. Il a dit, je veux te lire un hadith. Il a dit, non. Il a dit, je veux te lire un verset. Et il a dit, même pas une moitié d'un verset. Il dit, soit tu te lèves ou moi je me lève. Et dans un autre exemple comme ça, il a même mis ses doigts dans ses oreilles pour ne pas l'entendre. Et il a dit à son fils, qui mettait ses doigts dans ses oreilles aussi, il dit, tes doigts poussent plus fort dans tes oreilles pour être sûr qu'il n'entend rien des shubuhat. Il dit parce que si tu écoutes l'innovateur et qu'il jette ses ambiguïtés à propos de la religion dans ton cœur, et que peut-être tu ne seras pas capable de la repousser ou de la réfuter et que ça reste à cause de ça dans ton cœur et que tu t'égares à cause de ça. Donc, protéger le cœur, parce que c'est comme, comme Abdullah ibn Abbas il dit, le fait de s'asseoir avec eux, ça rend le cœur malade. Hein. Et c'est comme quelqu'un, si vous savez qu'il a l'Ebola, hein. Ebola c'est un virus vraiment yani féroce. C'est un virus qui est vraiment impitoyable, il est vraiment rapide. Hein? Et puis en quelques heures, là, t'es fini. Si vous savez que quelqu'un il a l'Ebola, vous n'allez jamais aller vous asseoir avec lui. Eh bien, l'innovateur, il est plus dangereux que l'Ebola. Hein? En particulier s'il prêche à ça. Parce qu'il risque de vous amener à l'égarement dans votre religion. Et ça, c'est plus grave que celui qui va vous rendre malade dans votre corps, dans les choses de la dunya. Hein? Parce que si tu meurs dans la dunya et que tu es sur la bonne aqidah et la bonne croyance, Inch'Allah, tu vas être au paradis. Mais si tu t'assois avec les innovateurs et que tu deviens un d'entre eux, tu rencontres Allah, il n'est pas satisfait de toi, tu risques l'enfer. Et ça, c'est beaucoup plus grave. Donc, ayant dit ça, on va dire comme le cheikh il dit dans la fin de son livre, il fait une invocation. Il dit, par la grâce d'Allah, nous avons complété le livre de la croyance correcte, la bonne croyance, qui est obligatoire pour chaque musulman de croire. Et on demande à Allah de faire que ce soit pour son noble visage, purement pour son noble visage, et selon la sunna de son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il rende cela bénéfique pour tous les musulmans, et bénédiction et salut sur le prophète, notre prophète Muhammad, et sur sa famille pure, hein, sa pure famille, et sur les compagnons, il y en a les meilleurs hommes parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ceux qui les ont suivis avec perfection, avec ihsan, jusqu'au jour de la résurrection. Donc on s'arrête avec ce dua, et on demande donc à Allah qu'il accepte ces œuvres qu'on a faites pour lui, et qu'il remercie également les frères de la mosquée Al-Athar qui ont organisé ce séminaire, et que cela soit mis dans la balance de leurs bonnes œuvres au jour de la résurrection, et que yani, dans l'avenir il y ait de plus en plus de séminaires comme ça, Inch'Allah, qui sont yani, dans le but de nous faire apprendre notre religion, puis de lire les paroles de nos ulama pour se rapprocher encore plus d'Allah et d'avoir la bonne compréhension. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.